la parole. Merci. Voilà, je vais essayer d'être digne d'une présentation aussi intimidante. Merci d'abord à Philippe Combessy et à Christian Laval de m'avoir invité. J'ai évidemment plaisir à revenir à Nanterre, ça me rappelle des souvenirs, à parler de Foucault toujours. Et puis voilà, comme je suis depuis peu professeur à la retraite, je suis frustré de la parole et évidemment c'est une occasion. Bon, j'espère ne pas trop vous décevoir. J'ai fait passer très volontairement une publicité, voilà, pour un petit groupe de théâtre que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le Collectif 71, qui travaille depuis presque 10 ans sur Foucault exclusivement. C'est un groupe de 6 filles absolument remarquables. Je vous recommande les deux pièces qu'elles ont faites sur les prisons, Foucault 71 et La Prison. Et puis, il va y avoir une production donc, que je ne connais pas, à partir du texte de Foucault sur le corps utopique. Voilà. Voilà. Bon, donc, je commence à partir de là. Surveiller et punir a aujourd'hui près de 40 ans. L'œuvre, vous le savez, suscite de l'intérêt, des critiques parfois virulentes. Évitons quand même de tomber dans ce que Bergson appelait excellemment le mouvement rétrograde du vrai, c'est-à-dire cette habitude, mauvaise habitude que l'on a souvent de considérer que ce qui est vrai aujourd'hui l'a été de toute éternité. Et c'est un travers assurément parce que du coup on gomme l'historicité de la question. Bien sûr, il y a eu beaucoup de critiques constructives pertinentes, mais n'oublions pas un fait à la fois simple et têtu, qui est que ces critiques elles-mêmes s'enracinent dans l'existence même du livre de Foucault. Et il me semble qu'on l'oublie un petit peu parfois. C'est bien sûr un continent quasiment inexploré que découvre Michel Foucault en 1975. Il révèle une institution carcérale qui est largement ignorée, y compris sous l'angle des productions intellectuelles. Je voudrais donc essayer d'abord de resituer l'événement surveiller et punir pour comprendre la rupture introduite par le texte. Il faut donc penser la radicale nouveauté vers la fin du XVIIIe siècle de cette toute nouvelle institution, la prison. L'inertie et l'indifférence aidant, nous nous sommes déshabitués d'interroger la prison et son bien fondé. Et la remarque serait encore vraie aujourd'hui. Qui se scandaliserait, tel Victor Hugo autrefois, à l'annonce de la construction d'une nouvelle prison? 40 ans plus tard donc, Michel Foucault secoue encore notre conformisme par ce texte inclassable, au charme sulfureux. Ce qui est en question, c'est la manière que nous avons de nous débarrasser non pas de nos morts, mais de nos vivants, explique Foucault. La prison construit un espace d'inclusion qui est du même coup un espace d'exclusion. On se débarrasse en enfermant. Mais les sociétés, rappelle Foucault, n'ont pas toujours enfermé. Elles ont chassé, exilé, ostracisé. Elles ont mis à l'amende. Elles ont marqué les corps, torturé, assassiné. Et c'est seulement à partir du XVIe siècle que l'on trouve des formes embryonnaires d'enfermement. Il reste donc à comprendre la radicalisation et la généralisation de l'enfermement à partir du XVIIIe siècle. C'est un fait neuf dont on ne dit pas assez la singularité. Condamné à la prison, reste cette idée paradoxale, bizarre, dit Foucault. Et c'est justement cette bizarrerie-là qu'il faut interroger, questionner, mettre en perspective, avant même de la dénoncer. Et je me propose donc ici avec vous de faire la genèse de cette bizarrerie. Voilà, j'annonce mon plan, c'est un petit peu scolaire, mais excusez-moi, j'ai visiblement prévu un peu trop, donc ça permet aussi de se repérer. Donc, trois parties, l'événement surveiller et punir, première partie. Deuxième partie, d'où vient la prison ? Une expression de Foucault, banale, mais elle est de lui. Et puis, troisième partie, bon, c'est pas malin, je vous prie de m'en excuser, mais où va la prison ? L'événement surveiller et punir. Rappelons brièvement où en est Michel Foucault en 1975, lorsque paraît Surveiller et punir. Il est alors un philosophe connu, reconnu, au moins depuis l'histoire de la folie, 1961, et surtout depuis Les mots et les choses. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est Les mots et les choses qui essentiellement a fait connaître Foucault, à tel point que la litote obligée, en quelque sorte, c'est l'auteur des mots et des choses. Bien. Ce n'est pas le livre le plus simple, loin de là, de Michel Foucault, et on doute que tous ceux qui l'ont acheté à l'époque l'aient véritablement lu. Mais plus. Consécration en 1970, Foucault devient titulaire de la chaire d'histoire des systèmes de pensée au Collège de France. Il l'occupera jusqu'à sa mort en 1984. Indépendamment des enjeux proprement carcéraux, surveiller et punir marque une focalisation sur le problème du pouvoir. Et Foucault poursuivra dans cette veine avec La volonté de savoir, 1976, et aussi le début des analyses sur la gouvernementalité. Dans surveiller et punir, on trouvera des notions nouvelles telles que microphysique du pouvoir, technologie politique des corps, qui sont mises en chantier pour l'œuvre de Foucault. L'œuvre apparaît donc comme une sorte de laboratoire où s'élaborent les concepts requis par des analyses inédites. J'en rappellerai seulement trois, panoptisme, discipline, illégalisme, qui sont des concepts typiquement foucaldien qu'il se fabrique. Cette nouvelle orientation sur le pouvoir servira même à revisiter des problématiques plus anciennes, et c'est ce qui va se passer avec le problème de la folie, revisité dans une perspective disciplinaire dans le séminaire sur le pouvoir psychiatrique. Surveiller et punir marque donc une rupture décisive dans l'œuvre de Foucault, à la fois extrinsèquement et intrinsèquement. En 1975, si la question des prisons est bien posée pratiquement, dans le sillage des grandes révoltes, je le rappelle, des années 71 à 74, cette question des prisons reste bien vide au plan des analyses théoriques. Il s'agit même, on peut dire, d'un pathétique désert. Si la prison, le bagne, la pénalité sont aujourd'hui l'objet d'approches multiples, variées, riches, souvent croisées, historiques, sociologiques, anthropologiques, rien ou presque n'existe en 1975. Les bibliographies citent rituellement Le temps des prisons, le petit livre de l'historien Pierre Deillon, 1974. Et aussi quelques rares articles de l'historienne Michel Perrault. C'est à peu près tout. Du côté de la sociologie, une seule grande exception en langue allemande, à laquelle Foucault rend hommage dans Surveiller et punir, il évoque le grand livre de Rousseau et Kirchheimer, Peine et structure sociale. Mais ce texte que Foucault avait lu est à l'époque n'est à l'époque pas traduit en français. Il le sera en 1994. Il existe aussi, du côté des philosophes, des approches qui font horreur à Michel Foucault, mais qui existent bel et bien, et qui cernent le problème de la culpabilité et du mal. Ce qui existe, en revanche, et pullulent depuis le XIXe siècle, c'est ce que j'appellerais la littérature de témoignage. C'est une littérature variée qui porte une double empreinte. Celle de la subjectivité radicale, ce sont des récits écrits en première personne, et d'une certaine bien-pensance. Ce sont des livres qui émanent d'aumôniers, d'enseignants, de médecins, de visiteurs de prison, de personnel pénitentiaire et de truands repentis ou non. Ce sont des approches parcellaires, à mi-chemin entre un humanisme un peu pauvre qui dénonce en demi-teinte et un voyeurisme mal assumé qui entr'ouvre la coulisse de la prison au grand public. L'effet pervers de ces approches est qu'elles pérennisent et reconduisent à leur insu la prison en la considérant de fait comme un élément transhistorique qu'elle contribue ainsi à banaliser et à naturaliser. Consciemment ou non, c'est souvent une démarche de type moral qui guide ces approches. Pour toutes ces raisons, la prison n'est pas seulement mal connue et même ignorée, elle est totalement méconnue. Je cite Foucault dans un des premiers tracts du GIP, groupe d'information sur les prisons. Peu d'informations se publient sur les prisons. C'est l'une des régions cachées de notre système social, l'une des cases noires de notre vie. Dans la foulée des années 70, il est vrai, la littérature de témoignage va s'enrichir d'une tout autre type d'approche militante. Celle-là, comme en témoigne par exemple le livre de Serge Livrezet, 1973, qui sera préfacé d'ailleurs par Foucault. Ce texte sera suivi de beaucoup d'autres, également militants. Mais militants ou non, ces textes sont précieux parce qu'ils poussent des cris d'alarme qui secouent l'inertie ambiante. Toutefois, même militants, ces témoignages restent l'émanation d'une subjectivité. La vraie rupture sera celle introduite par les textes du GIP, qui traduisent justement, je cite Foucault, un renoncement à la personnalisation. C'est évidemment une toute autre approche que propose Michel Foucault dans les années 70 avec ce qu'il nomme alors son livre sur les peines. Il n'a pas encore son titre définitif. Ce qui frappe, c'est la manière dont est abordée la prison et la neutralité axiologique de la démarche. Si le terme de structure avait pu tenter le Michel Foucault des années 60, surveiller et punir, qui s'en est débarrassé, se caractérise plutôt par l'image récurrente de la machine, bien plus adéquate à la thématique du pouvoir qui l'a fait fonctionner, et qui dit aussi la part réduite du sujet dans les transformations qu'on opère sur lui. L'itinéraire de surveiller et punir serait donc plutôt marqué par un procès sans sujet. J'hésite à employer cette expression qui ne fait pas partie, comme vous le savez, du vocabulaire de Foucault, mais qui me paraît adéquate. Procès sans sujet, donc, que doublerait une analyse généalogique. J'y reviendrai. Surveiller et punir est sous-titré, vous le savez, Naissance de la prison. Or, si pour le grand public, Surveiller et punir est un livre sur les prisons, de fait, il s'agit plutôt d'une exploration de ce faisceau très complexe d'influences théoriques et pratiques qui vont donner naissance à la prison. Il est tout à fait significatif en ce sens que Surveiller et punir se referme sur l'ouverture de la colonie pénitentiaire de Maitrey en 1840, dans un chapitre intitulé significativement le carcéral. Maitret est donc bien plus qu'un événement factuel. C'est le symbole de cette ère des prisons qui s'ouvre alors, et comme la quintessence de cet ordre nouveau. Voici ce qu'écrit Foucault. Pourquoi Maitret ? Parce que c'est la forme disciplinaire à l'état le plus intense, le modèle où se concentrent toutes les technologies coercitives du comportement. Surveiller et punir s'achève donc quand la prison commence vraiment. Et le livre se ferme sur une promesse d'ouverture, en note, dernière page de Surveiller et punir. J'interromps ici ce livre qui doit servir d'arrière-plan historique à diverses études sur le pouvoir de normalisation et la formation du savoir dans la société moderne. C'est donc plutôt une préhistoire de la prison que Michel Foucault nous expose dans Surveiller et punir, ou en termes plus foucaldiens, une archéologie. Sa question est double. Qu'est-ce qui a rendu la prison possible ? Qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire ? Et puis une question à laquelle on va s'intéresser particulièrement, que Foucault exprime ainsi. D'où vient la prison ? Je répondrai d'un peu partout. Il y a eu invention, sans doute, mais invention de toute une technique de surveillance, de contrôle, d'identification des individus, de quadrillage de leurs gestes, de leur activité, de leur efficacité. L'approche de Foucault est historique, mais elle n'est pas strictement historienne. Beaucoup d'historiens de métier le lui ont d'ailleurs violemment reproché. Si cette approche n'est pas historienne, du moins au sens classique, c'est parce que Foucault va chercher très loin l'origine de la prison, à la fois dans le temps et dans l'espace. Il va la chercher dans ce terreau informel et pluriel qu'il appelle les disciplines. En ce sens, Foucault ne se contente pas de faire l'histoire de l'institution prison, et sa démarche ne se résume pas à une chronologie expliquée ou à une genèse savante. Son projet sera plutôt, comme il le dit lui-même, d'ordre généalogique. Je cite Foucault, « Je pars d'un problème dans les termes où il se pose actuellement, et j'essaie d'en faire une généalogie. Généalogie veut dire que je mène l'analyse à partir d'une question présente. » On va s'attarder un petit peu sur cette expression de question présente. La question présente, on peut l'entendre de deux manières. En un sens factuel et aussi en un sens méthodologique. Donc j'explore d'abord ce sens factuel. La question des prisons surgit violemment dans l'actualité des 70, avec différents mouvements de protestation, des grèves de la faim, des révoltes, des émeutes, des soulèvements. Le contexte est violent. De 1970 à 1972, Michel Foucault, cofondateur du GIP, groupe d'information sur les prisons, s'implique, y compris physiquement, dans ce combat qui vise à faire connaître réellement les conditions de détention dans les prisons françaises. Plus largement, le GIP se lance dans une série d'enquêtes, les enquêtes intolérance. Mais rapidement, l'actualité carcérale va occuper totalement le devant de la scène, avec deux brochures qui feront grand bruit. Les voici. Premier, c'est celui-là, Enquête dans ma prison, et le vite suivi de Enquête sur une prison modèle, Fleury-Mérogis. Rapidement donc, c'est l'actualité carcérale qui va l'emporter, puisqu'au départ, dans les enquêtes intolérance, était prévu davantage de thèmes, mais finalement la prison va finalement tout gagner. Ces enquêtes inaugurent une nouvelle manière de faire et un nouveau mode d'intervention des intellectuels sur la scène politique. Ce sera l'occasion pour Foucault d'élaborer le concept d'intellectuel spécifique proposé en 1976 pour penser cette nouvelle insertion des intellectuels dans les luttes politiques de leur temps, et en rupture avec ce qui avait prévalu jusqu'alors de Zola à Sartre. Durant les 2 ans de vie du GIP, Michel Foucault est littéralement obsédé par l'idée qu'il ne faut pas confisquer la parole aux détenus et qu'il faut leur rendre cette parole dont ils ont été historiquement exclus. Je cite Foucault, « Ces enquêtes sont faites non pas de l'extérieur par un groupe de techniciens, les enquêteurs sont ici les enquêtés eux-mêmes, à eux de prendre la parole, de faire tomber le cloisonnement, de formuler ce qui est intolérable et de ne plus le tolérer. À eux de prendre en charge la lutte qui empêchera l'oppression de s'exercer. » La notoriété des initiateurs, je n'ai cité que Foucault, mais ils sont très nombreux, et en particulier le compagnon de Michel Foucault, Daniel Defer, va jouer un rôle de premier plan dans le GIP et dans cette question des prisons. La notoriété des initiateurs, donc, n'a d'autre but que d'épauler le mouvement et de lui donner une impulsion. De fait, le petit noyau d'intellectuels mobilisés va s'effacer. Ils resteront anonymes de manière tout à fait remarquable. Comme cela avait été prévu dès le début, le GIP s'autodissoudra après 2 années d'existence, dès que la relève aura été prise par les prisonniers eux-mêmes, qui vont fonder le CAP, Comité d'Action Prisonnier. Et Michel Foucault tirera, en 1984, les leçons de cette expérience unique. Le GIP a été, je crois, une entreprise de problématisation, un effort pour rendre problématiques et douteuses des évidences, des pratiques, des règles, des institutions et des habitudes qui s'étaient sédimentées depuis des décennies et des décennies. Et cela à propos de la prison elle-même, de la justice pénale, de la loi, et plus généralement encore à propos de la punition. Je m'interromps pour vous recommander, si vous ne le connaissez pas, ce livre. Voilà, je montre, comme à la télévision. Le groupe d'informations sur les prisons, c'est uniquement sur l'histoire du GIP. Remarquable dossier fait par 3 historiens, dont Philippe Artière. Voilà. Édition de l'IMEC. Alors, dès 1970, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Foucault annonçait sa volonté d'étudier, je cite, « cet ensemble de pratiques et de discours prescriptifs que constitue le système pénal ». 1970, hein, l'intérêt aux prisons va petit à petit, tout ne commence pas en 1975, c'est ce que je voulais dire. Mais ce programme, théorique donc, historique, va se trouver lesté d'interrogations pratiques sur la prison réelle. Surveiller et punir devient ainsi, selon les mots mêmes de Michel Foucault, un livre-expérience qu'il va distinguer des livres-vérités, comme le sont par exemple l'archéologie du savoir ou les mots des choses. Un livre-expérience dans lequel les analyses théoriques et historiques entretiennent des rapports étroits avec les prises de position militantes, les unes venant en fait enrichir les autres. On peut dire que les luttes s'informent de l'arrière-plan historique, devenant par là plus ajustées, plus pertinentes, en même temps que l'histoire, ainsi conçue, devient un tremplin pour penser le projet même de punir. que les punitions en général et que la prison relève d'une technologie politique du corps, c'est peut-être moins l'histoire qui me l'a enseigné que le présent. Au cours de ces dernières années, des révoltes de prison se sont produites un peu partout dans le monde. Cette phrase très remarquable émane de Surveiller et punir, où elle peut surprendre le lecteur. Il faudrait lire, alors on essaiera de le faire, via les moyens... Sur le site du labo. Sur le site du labo, voilà, très bien. Donc, ce texte d'ici 3 jours, donc quand vous cliquerez sur le nom de la séance d'aujourd'hui, vous pourrez accéder à ce texte. Voilà, mais vous pouvez évidemment très facilement le retrouver dans Surveiller et punir. C'est Surveiller et punir dans cette édition historique, page 35, c'est-à-dire tout au début de l'ouvrage, toute une page, très étonnante quand même, qui commence donc comme par la citation que je viens de donner. Qu'est-ce qui m'a appris quelque chose sur la prison? Ce sont d'abord les luttes, ce sont d'abord Et finalement, il y a une entorse là, très très étonnante, dans l'écriture, il y a une fracture, hein, dans l'écriture même de Surveiller et punir, puisque le texte, je vous l'ai dit, s'arrête en 1840. Qu'est-ce que vient faire là cette mention aux révoltes, aux prisons, aux mouvements qui se mènent au moment où Foucault écrit dans les prisons? Et cette page se termine par cette expression « l'histoire du présent »,« faire l'histoire du présent ». C'est très important. C'est la première fois, à ma connaissance, que Foucault emploie l'expression. Et c'est une expression qui est promise à un long avenir et à d'autres explorations dans le vocabulaire de Michel Foucault. Voilà. La présence de Michel Foucault militant... à part cette page, reste évidemment assez discrète dans les 300 et quelques pages de Surveiller et punir. Mais ces passages sont précieux parce qu'ils font entendre cette expression sur laquelle se termine le livre. Ce sont vraiment les derniers mots. Foucault fait entendre, dit-il, le grondement de la bataille. Le grondement de la bataille, on a beaucoup repris cette expression, hein, elle est célèbre. Et ce grondement de la bataille, où apparaît-il? Il apparaît dans des pages telles que celle-ci, mais également à d'autres moments, toujours très surprenants pour le lecteur, hein, de Surveiller et punir, puisque, bon, si on joue le jeu historique, il ne devrait pas y avoir de remarques postérieures à 1840. Or, Foucault, ça et là, glisse des considérations sur, par exemple, le rôle du juge d'application des peines, le rôle de l'expertise psychiatrique, ou encore le rôle des travailleurs sociaux. Ça constitue autant d'incises très étonnantes, souvent rédigées au présent, qui trouent le texte et lui confèrent une urgence anachronique. L'écriture de Surveiller et punir s'en trouve bouleversée, syncopée et comme volontairement agitée par les sursauts de l'actualité. Ainsi, contre toute logique, c'est bien le présent qui éclaire et informe le passé. Car lui seul est en mesure de faire saillir les enjeux politiques et sociétaux de cette prison, qui autrement ne resterait qu'un objet désincarné. Foucault risque alors ce mot fécond et en apparence paradoxal d'histoire du présent. Renvoyée à son histoire, la prison et les pratiques punitives en général avouent leur historicité. Et tel est bien le but de l'histoire, de dessiller le regard en recontextualisant ce qui apparaissait dans l'évidence naïve de la perception quotidienne comme une évidence. L'un de mes buts est de montrer aux gens que bon nombre de choses qui font partie de leur paysage familier, qu'ils considèrent comme universels, sont le produit de certains changements historiques bien précis. Toutes mes analyses vont contre l'idée de nécessité universelle dans l'existence humaine. Fin de citation. Déconstruire les évidences léguées par le poids du passé et d'une certaine inertie critique, tel est donc bien le but de l'histoire pour Foucault. Citation à nouveau, l'histoire a pour fonction de montrer que ce qui est n'a pas toujours été. C'est-à-dire que c'est toujours du confluent de rencontres, de hasards, d'une histoire fragile, précaire, que se sont formées les choses qui nous donnent l'impression d'être les plus évidentes. La remarque, vous le voyez, trahit le généalogiste plus que l'historien. Généalogiste dont le but est d'abord de déconstruire des évidences. Reprenant cette question en 1978, Foucault forgera le néologisme « événementialisation » pour désigner une rupture d'évidence. Or la prison, rappelons-le, est bien une telle évidence. Entre le XIXe siècle et aujourd'hui, tout a changé. Je cite Foucault. « Nous avons honte de nos prisons. Ces énormes édifices qui séparent deux mondes d'hommes, que l'on a construits autrefois avec orgueil, au point de les situer souvent dans le centre des villes, aujourd'hui nous gênent. » À vrai dire, la réaction est sans doute plus ambivalente, car la prison est tout à la fois largement plébiscitée et tacitement reconduite par un large consensus. Et en même temps, elle est comme ignorée, objet d'une souveraine indifférence, dès lors que les portes se sont refermées sur le supposé coupable. On conçoit mieux pourquoi l'histoire ou l'archéologie, au sens foucaldien, peut être une arme. Une arme contre ce véritable déni de la prison, contre une farouche volonté d'ignorance. En revanche, dire que la prison a une époque et a un lieu de naissance précis, c'est laisser se profiler l'idée que la prison n'est pas éternelle et qu'elle aura nécessairement une fin. En interrogeant les institutions psychiatriques et pénitentiaires, n'ai-je pas présupposé et affirmé qu'on pouvait s'en sortir en montrant qu'il s'agissait là de formes historiquement constituées à partir d'un certain moment et dans un certain contexte. C'était montrer que ces pratiques, dans un contexte autre, devaient pouvoir être défaites parce que rendues arbitraires et inefficaces. Michel Foucault, vous le savez peut-être, retardera de beaucoup la parution de Surveiller et punir, qui est entièrement terminée. Par scrupule moral, il voulait éviter que les détenus avec lesquels il militait dans les années donc 70-72 ne considèrent qu'il s'était en quelque sorte servi d'eux. Et c'est donc par scrupule moral qu'il retarde l'apparition de Surveiller et punir, qui est donc, je le répète, complètement écrit. Je n'ai commencé à écrire ce livre qu'après avoir participé pendant quelques années à des groupes de travail, de réflexion sur et de lutte contre les institutions pénales. Un travail complexe, difficile, mené conjointement avec les détenus, les familles, les personnels de surveillance, les magistrats, etc. Michel Foucault donc parlait d'une question présente et j'ai dit deux points. Question présente au sens ponctuel, actuel, et puis en un sens méthodologique également. Michel Foucault reconnaît avoir abordé le problème pénal à rebours des approches usuelles. Ce qui m'avait paru intéressant, c'était d'empoigner la question, en gros, de la pénalité à partir de cette région de la prison. On s'était occupé de la prison, mais comme du sous-sol du système pénal, la chambre de débarras. Le point de départ était d'interroger le système pénal à partir de sa chambre de débarras. Fin de citation. Cette idée sera déterminante pour la conception même du pouvoir que se fait Foucault, et dans l'idée qui va cheminer chez lui que, je cite, « le pouvoir vient d'en bas ». Désormais, c'est la manière d'exercer le pouvoir et les relations de pouvoir qui seront déterminants. Il se joue là bien plus qu'un renversement de point de vue. Car l'approche qui cible le seul système pénal est au fond une approche qu'on pourrait dire idéaliste, pétrie de philosophie politique traditionnelle et d'idéologie juridique. Aborder résolument, comme le fait Foucault, la question pénale à travers le prisme de la prison et lui seul, c'est changer résolument de perspective et expliquer le haut par le bas, le noble par le vil. Je me suis toujours intéressé au bas-fond. Si vous voulez, fouilleur de bas-fond, disait Nietzsche. La perspective généalogique est encore là dans ce réexamen des valeurs, dans ce questionnement sur la valeur de la valeur, dans cette focalisation délibérée sur, je cite Foucault, un matériau plébéien. L'accent est désormais porté sur la peine elle-même, sur ses modalités pratiques, sur son déroulement quotidien. Surveiller et punir débute, on s'en souvient, par l'énoncé méticuleux d'un emploi du temps pénitentiaire qui fait suite immédiatement et sans transition à la narration du supplice de Damien. L'emploi du temps pénitentiaire est donc l'image inversée de ce qu'il appelle la fête punitive. Et cet emploi du temps dit, au fond, la nature profonde du carcéral. Foucault a toujours considéré que le pouvoir ne se disait pas d'abord dans les grands textes, recteurs et fondateurs, mais plutôt dans ces textes intermédiaires et régionaux, souvent minuscules, dans ces pratiques au ras des choses et des êtres qui réglementent durablement la vie quotidienne et l'instituent au sens propre. Ce n'est ni chez Hegel, ni chez Auguste Comte, que la bourgeoisie parle de façon directe. À côté de ces textes sacralisés, une stratégie absolument consciente, organisée, réfléchie, se lie en clair dans une masse de documents inconnus qui constituent le discours effectif d'une action politique. Fin de citation. De tels textes disent accrue la réalité du pouvoir dans l'effectivité de son exercice. La prison, nous l'avons vu, vient d'un peu partout. La formule est très vague. Et elle insiste seulement sur l'idée que les sources sont multiples. Mais elle insiste aussi sur l'idée que c'est de pratique plus que de théorie que la prison moderne va naître. Pour la prison, cela n'aurait eu aucun sens de se limiter au discours tenu sur la prison. Il y a également ceux qui viennent de la prison, les décisions, les règlements. Les règlements de la prison qui a ses stratégies, ses discours non formulés, ses ruses, qui ne sont finalement celles de personne, mais qui se sont cependant vécues et assurent le fonctionnement et la permanence de l'institution. Fin de citation. Michel Foucault inflige donc à la question carcérale une triple flexion, chronologique, logique et généalogique. Chronologique d'abord, puisqu'il traite l'histoire, nous l'avons vu, à travers le prisme du présent. Logique, dans la mesure où il traite l'ensemble à partir du fragment, fût-il minuscule. Et on a de magnifiques pages dans Surveiller et punir sur le détail. Généalogique, enfin, dans la mesure où Foucault traite la question pénale, nous l'avons vu, à travers un matériau non noble, un matériau plébéien, la prison. Trois prismes, donc, qui vont donner à l'approche de Surveiller et punir son identité. Mais là aussi, est-ce que nous pourrions nommer le matérialisme de Foucault ? Car c'est bien en deux sens, matérialisme. D'abord, c'est bien la réalité matérielle et concrète de la forme prison qui l'intéresse. Approche matérialiste, donc, dans un sens élémentaire. Approche matérialiste qui privilégie la matérialité des rapports de pouvoir, et avec elle, ce pouvoir sur les corps. Mais approche matérialiste au plan philosophique aussi. Dans cette inversion délibérée de la démarche habituelle, qui défait la démarche usuelle. Louis Althusser citait souvent cette phrase de Marx, « L'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe ». On retrouve bien chez Foucault, qui n'y aurait pas souscrit tel quel, l'idée que c'est le présent qui irradie les questions que l'histoire a charge d'explorer dans une démarche résolument régressive. Pour l'étude du passé, c'est bien le présent qui est recteur. Deuxième partie, donc, d'où vient la prison ? Je ne sais pas exactement ce que j'aurai le temps de dire dans ce que j'ai prévu, mais voilà. J'esquisserai la fin si nécessaire. D'où vient la prison ? Le plus frappant dans Surveiller et punir, c'est l'affirmation réitérée que la prison finit par s'imposer alors même qu'elle n'est pas le meilleur choix possible et qu'elle est même critiquée de toutes parts. Elle apparaîtra finalement comme un choix de compromis entre différentes tendances qui s'affrontent, un choix négatif en quelque sorte. L'apparition de la prison s'avère totalement paradoxale. Je cite Foucault, « Tout se passe comme si la prison, punition parapénale à la fin du XVIIIe siècle, fait son entrée à l'intérieur de la pénalité et en avait très rapidement occupé tout l'espace. » Alors même qu'elle ne semble pas jouir des faveurs des théoriciens du droit pénal, qui s'en méfient, qui la critiquent, la prison va s'imposer rapidement et envahir irrésistiblement tout l'espace réel. 62 années seulement séparent ces deux déclarations de juristes. 1767. L'emprisonnement est la peine par excellence. Pardon. La prison n'est pas regardée comme une peine dans notre droit civil. Première déclaration. La prison n'est pas regardée comme une peine dans notre droit civil, 1767. Et sans transition, l'emprisonnement est la peine par excellence dans les sociétés civilisées, 1829. Au terme de ce parcours, la justice plébiscite pour finir la prison, qui n'avait jamais été, comme le dit Foucault, la fille de ses pensées. Et l'on assiste, je cite toujours Foucault, à une colonisation de la pénalité par la prison. En moins de 20 ans, la mutation est accomplie et l'Europe se couvre de prisons, consacrant durablement cette pénalité uniforme et grise, comme dit Foucault. Le code pénal de 1810 entérine ce succès de l'incarcération, devenu la forme principale de pénalité. L'Empire construit des prisons et se hérisse de hauts murs, consacrant avec cette grande architecture fermée, complexe et hiérarchisée qui s'intègre au corps de l'appareil étatique. C'est l'avènement de ce que Foucault nommera, une seule occurrence à ma connaissance, le carcérocentrisme. Il s'agit donc de comprendre cette énigme. Comment cette institution si décriée va-t-elle finalement s'imposer si vite, si largement et si unanimement? D'où vient finalement cette prison qui va triompher? Plus précisément, Michel Foucault va tenter de cerner différents facteurs combinés qui vont produire la prison moderne. J'ai sélectionné ici 6 points. Pardon à ceux d'entre vous qui connaissent ça par cœur, mais bon, donc c'est le parcours un petit peu de surveiller, un parcours un petit peu ciblé, mais en gros, le parcours de surveiller et punir. 6 points. Premièrement, la disparition des supplices. Cette disparition des supplices, elle tient moins, explique Foucault, à une volonté d'humanisation, ce qu'on disait beaucoup, qu'à un objectif proprement politique, faire disparaître toute l'agitation ambiguë autour de l'échafaud. La publicité du châtiment impliquait sa parfaite et totale visibilité. Mais elle devient, dès le milieu du XVIIe siècle, un danger potentiel pour le pouvoir absolu. Là où autrefois le pouvoir célébrait unilatéralement sa propre puissance, dans ce que Foucault appelle la fête punitive, de plus en plus souvent, l'agitation populaire se retourne contre ce pouvoir lui-même et on assiste à des scènes d'émeutes au pied même de l'échafaud. L'héroïsation du criminel, de plus, n'est pas rare. D'où la nécessité d'abandonner un châtiment public. Au théâtre punitif, sanglant et bruyant, succède donc la coulisse carcérale, paisible et silencieuse, et un châtiment qui n'est plus physique, que le châtiment frappe l'âme plutôt que le corps, résumait l'encyclopédiste Mably, cité par Michel Foucault. Le châtiment ne sera plus cruel et arbitraire, mais équilibré et juste. Il aura l'humanité pour mesure. En 1789, la mutation est accomplie. Je cite ce texte. Que les peines soient modérées et proportionnées au délit. Que celle de mort ne soit plus décernée que contre les coupables assassins. Et que les supplices qui révoltent l'humanité soient abolis. Deuxième point, la reconfiguration des illégalismes. Alors, j'ai pas le temps, il faudrait faire une parenthèse sur ce terme d'illégalisme très, très intéressant, fabriqué par Foucault pour les besoins de la cause, mais aussi très productif et très intéressant en lui-même. Bref, je le reprends tel quel. Toute société ne peut vivre sans tolérer son volant d'illégalisme. Il y a là, comme une loi tacite et constante, repérable dans toute gestion des illégalismes. L'Ancien Régime s'était caractérisé par un illégalisme essentiellement rural, marginal et toléré. C'est un illégalisme des droits. La bourgeoisie montante, dès le XVIe siècle, va vouloir éradiquer ce que Foucault appelle l'illégalisme d'en bas, qui s'attaque aux biens et menace la propriété terrienne, devenue un enjeu pour une agriculture qui commence à devenir intensive. Et il en va de même pour la propriété commerciale et industrielle. Ainsi, l'économie des illégalismes, dit Foucault, s'est restructurée avec le développement de la société capitaliste. L'illégalisme des biens a été séparé de celui des droits. Fin de citation. La nécessité d'une répression accrue, mais aussi plus adaptée, plus souple des illégalismes, apparaît donc, et c'est à la prison que sera dévolu ce rôle. Troisième point, l'influence des réformateurs. Alors, qui sont les réformateurs? On ne peut pas les citer tous, hein, ils sont un ensemble. Bon, citons le plus connu d'entre eux, Cesare Beccaria, avec son texte des délices et des peines. On crédite en général les réformateurs d'une approche humaniste, et on insiste sur le fait qu'ils ont beaucoup critiqué la cruauté des châtiments. Ce qui est vrai. Toutefois, c'est plutôt l'idée d'un châtiment plus juste, plus équilibré, mieux réparti qu'ils mettent en avant. Au centre de leurs analyses, la théorie du contrat exposée par Rousseau dans le contrat social, qu'on peut résumer ainsi: tout auteur d'un acte délictueux, par son acte, s'exclut lui-même du contrat et devient comme tel sanctionnable. Livre 2 du contrat social, chapitre 5, si mes souvenirs sont bons. Michel Foucault montre que la réflexion des réformateurs est à la fois déterminante et accessoire, novatrice et archaïque. Ce sont de purs théoriciens, ils sont juristes pour la plupart, et ils définissent un nouveau cadre pour la pénalité. Mais leur vue de détail reste souvent imprécise ou irréaliste. Je recommanderais la lecture ou la relecture de cette page, magnifique page d'un point de vue littéraire et stylistique, que Foucault consacre à une promenade imaginaire, bien sûr, dans une sorte de jardin des supplices qui aurait été inventé par les réformateurs. Les réformateurs veulent une peine exemplaire et dissuasive, fondée sur le primat du visuel. C'est ça qui est montré dans cette page étonnante de Surveiller et punir. Parce que ce qui est visuel, pour eux, édifie moralement. Tout passe par l'image, hein. Et que ils inventent donc une sorte de théâtre punitif, dit Foucault. Et ça, c'est évidemment le côté archaïque des réformateurs. Mais du côté positif de leur influence, ils contribuent à rationaliser l'édifice pénal, explique Foucault, en proposant un tableau raisonné des délits corrélés aux peines. Beccaria est évidemment significatif là-dessus. Et en donnant naissance à ce que Foucault appelle une nouvelle économie politique du pouvoir de punir. Mais c'est une erreur pour Foucault de croire que les réformateurs seraient l'étape obligée vers la prison, dans la mesure où la prison n'a pas du tout leur faveur. Quatrième point, la réforme morale. La prison ne vient pas tant des théories pénales que de divers lieux bien concrets où la société organise la rétention des individus. Cette prison intemporelle, c'est la prison d'avant la prison, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment polyvalent où l'on retient enfermé pêle-mêle des vagabonds, des mauvais payeurs, des débauchés, des fous, etc. Cette prison-là, archaïque et vétuste, n'est porteuse d'aucun message, d'aucune mission. Elle est un lieu de violence et de secret qui suscite la défiance. Et elle n'a évidemment aucune valeur pénale. Par la prison, ce type de prison, on s'assure de quelqu'un, on ne le punit pas, écrit Foucault. L'influence viendra donc d'ailleurs. Et Foucault évoque ces institutions européennes centrées sur la réforme morale des individus dans un espace et un temps spécifié. Le travail s'y impose comme vecteur économique et comme réformateur moral. Il s'agit de lutter contre l'oisiveté sans que cela coûte à l'État. La prison, appareil administratif, sera en même temps, écrit Foucault, une machine à modifier les esprits. Héritée des pratiques monastiques et matrice pour une réforme morale, la cellule s'impose et permettant un isolement rigoureux. Je cite Tocqueville, lui-même cité par Foucault. Jeté dans la solitude, le condamné réfléchit. Placé seul en présence de son crime, il apprend à le haïr. Et si son âme n'est pas encore blasée par le mal, c'est dans l'isolement que le remords viendra l'assaillir. Tocqueville. On aura des variantes de ce schéma, mais l'essentiel est déjà là. Cinquième point, l'éclosion des disciplines. La naissance de la prison est à replacer dans un cadre plus global, celui que Foucault appelle des disciplines, qui apparaissent dès le XVIe siècle. Comment surveiller quelqu'un? Comment contrôler sa conduite, son comportement, ses aptitudes? Comment intensifier sa performance, multiplier ses capacités? Comment le mettre à sa place, à la place où il sera le plus utile? Voilà ce qu'est, à mon sens, la discipline. Fin de citation, Foucault. Les disciplines sont plurielles et diverses. Vous aurez remarqué qu'il parle plus volontiers des disciplines que de la discipline. Elles sont donc plurielles et diverses, mais ce qui fait leur unité, c'est qu'elles sont des pratiques produisant un sujet obéissant au corps à la fois docile et utile. Le champ des disciplines est très vaste. L'hôpital, l'école, la prison, l'atelier. Les disciplines répartissent les corps dans un obstacle et un temps donné selon un schéma anatomo-chronologique du comportement. Évidemment, Foucault qui parle. Les disciplines règnent alors sans partage sur une masse de sujets, mais leur cible reste le corps individuel, à la fois anonyme et interchangeable. Le corps humain, écrit Foucault, entre dans une machinerie qui le fouille, le désarticule et le recompose. Ces disciplines représentent alors ce que Foucault appelle un contre-droit. La discipline, écrit-il dans une formule frappante, la discipline, c'est l'envers de la démocratie. L'extension des disciplines au XVIIe et XVIIIe siècle débouchera sur cette société disciplinaire dont nous relevons encore. Sixième point, le règne du panoptisme. Sixième et dernier point. Le panopticon, vous le savez peut-être, est le titre d'un ouvrage du philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham, ouvrage de 1791, dans lequel, c'est pas le plus connu des ouvrages de Bentham, qui est un philosophe connu, commenté, pratiqué, bien avant Surveiller et punir. Ce qui est très étonnant, c'est que si vous lisez quelque chose concernant Bentham antérieur à 75, il est très rare que soit mentionné, ou seulement pour le citer, le panopticon. Évidemment, c'est Foucault qui finalement exhume ce texte et en montre l'importance. Mais le texte n'était pas du tout perdu, hein. C'est un texte qui avait eu un franc succès, immédiatement traduit en français notamment, et lu. Donc, dans le panopticon, Jeremy Bentham présente ce qui fait sa grande fierté. Un bâtiment polyvalent, pouvant traiter indifféremment, dit-il, les fous, les malades, les écoliers, les prisonniers. Le panopticon, littéralement, n'a jamais été construit. Il faut être très clair, parce que quelques critiques de mauvaise foi ont fait ce reproche à Foucault. Mais Foucault sait très bien que le panopticon n'a jamais été construit, lui aussi. En revanche, il a inspiré, de près ou de loin, nombre de plans d'établissements pénitentiaires. Et on distingue toujours aujourd'hui un plan panoptique qui n'est pas le seul, mais qui est un des plans les plus répandus de construction de prisons. Le dispositif de Bentham est très simple. Il comporte une tour centrale où sont massés les surveillants qui épient à travers des sortes de meurtrières. Autour de cette tour centrale, on a un bâtiment en anneaux qui accueille des cellules qui sont ouvertes des deux côtés, sur l'intérieur et sur l'extérieur. En sorte que les individus qui se trouvent dans ces cellules sont en permanence visibles de la tour de surveillance. La visibilité est un piège, commente Foucault. Le panoptique, c'est donc cette machine un peu diabolique où regardant et regardé sont pris. Mais c'est aussi une forme disponible et plastique que vont investir les disciplines. C'est, dit Foucault, le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale. Le panoptisme, est le symbole d'une ère nouvelle qui punit par la surveillance. Et c'est bien pour ça que Foucault peut conclure en quelque sorte sur ce point, Bentham est plus important pour notre société que Kant ou Hegel. La prison naît donc de là, à l'intersection de tous ces aspects. Chacun aura été déterminant, mais aucun d'eux n'aurait pu donner tout seul naissance à pareille institution complexe. C'est seulement la combinaison originale de ces éléments qui voit pouvoir ouvrir d'entrée l'ère carcérale. Le panoptisme fournit un cadre spatial, la réforme morale une finalité, les disciplines une procédure et le tout débouche sur cette pénalité inédite. Désormais, la prison est née et elle annexera même d'autres fonctions. Parce qu'elle compartimente, étiquette et trie, elle va aussi donner naissance à un savoir pénitentiaire et criminologique qui a en elle sa condition de possibilité. Et le délinquant sera son invention. Cette prison, dès ses origines, dit encore Foucault, ressasse son propre échec. Il montre alors, et c'est des pages frappantes dont surveiller et punir, que ce qu'on appelle l'échec de la prison, c'est un peu une tarte à la crème, et c'est un leitmotiv permanent qui naît avec la prison elle-même. Loin donc d'être la critique la plus radicale qu'on puisse imaginer de l'institution prison, l'échec de la prison apparaît plutôt comme un thème récurrent, pauvre et seulement idéologique. Toutefois, Michel Foucault ajoutera ironiquement qu'au fond, la prison n'échoue pas tellement, puisqu'elle fabrique des délinquants, et que c'est justement ce qu'on lui demande. Je propose de m'arrêter là. La dernière partie était consacrée à après 75, mais on aura l'occasion d'en parler dans les échanges, c'est-à-dire qu'est-ce que Foucault fait après 75 sur la question carcérale, qui va l'intéresser jusqu'en 1984. Le dernier entretien date d'avril 84. Très bel entretien, très intéressant, où l'on voit que Foucault est toujours autant intéressé au problème des prisons, où il réfléchit, on est après 81, après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et de Badinter au poste de garde des Sceaux. Il réfléchit donc sur ce que peut être la prison, ce que peut être la peine, etc., de manière, me semble-t-il, assez différente de ce qui en... de ce qu'on entendait dans les années 70. Voilà. Je vous remercie. dans la suite de votre propos, je me posais la question de Panopticum dans sa configuration, sa définition, sa critique. Quel est le rôle de la tour centrale? Parce que ça paraît évident si on va faire le registre. Oui. Il y a un minimum de gardes au milieu, comme les tours de contrôle d'aéroport, qui contrôle un maximum de gens. Donc c'est une économie de moyens dans la surveillance. Voilà. Mais est-ce que c'est que ça? Parce qu'avant, vous avez introduit, dans la prison, on ne se joue pas simplement une mise à l'écart, la construction d'un individualisme, mais un ordre moral. Bien sûr. Et donc, en second degré, on a dit que la tour centrale, c'est l'ordre moral, mais transcendantal. Non. La tour centrale, ce n'est pas... Il ne faut jamais oublier que Bentham est un utilitariste. Et que ce bâtiment, il insiste beaucoup, je ne l'ai pas dit, est avant tout un bâtiment qui permet de faire des économies. Voilà. Donc la réforme morale, oui, il y pense, mais ce n'est pas le premier de ses sujets. Pour Bentham, hein. Là je réponds pour Bentham. Le rôle de la tour centrale, c'est uniquement de surveiller. C'est tout. Donc on a placé à l'intérieur de cette tour centrale des inspecteurs. Il y a un texte où Foucault parle du rêve paranoïaque de Bentham. Mais c'est vraiment paranoïaque. C'est-à-dire qu'il avait imaginé, Bentham, que les inspecteurs, puisqu'ils ne les appellent pas les surveillants, les inspecteurs, se surveillaient les uns les autres pour voir s'ils faisaient bien leur travail. Voilà. Donc là, on est en plein, en effet, dans ce rêve paranoïaque. Mais la tour est complètement dédiée à la notion de surveillance, hein, évidemment. Surveillance d'autant plus efficace, ça intéresse beaucoup Foucault, d'autant plus efficace qu'elle est cachée. Non. Non. Alors, ce que fait Foucault autour du panoptique, c'est très intéressant. Il s'empare au fond du texte de Bentham, mais si vous lisez le texte de Bentham, il a été publié par les historiens autour de Michel Perrault dans les années 70, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais le texte a été édité avec une très intéressante préface de Michel Perrault. Et si vous voulez vous informer vraiment sur ce qu'est le panoptique, je vais marcher contre mon clan, je vais dire, ne lisez pas Foucault, lisez Michel Perrault. Parce que, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est l'intérêt aussi de Foucault. C'est de transformer, au fond. Et sa transformation, elle est justement du panoptique, c'est-à-dire du bâtiment, au panoptisme. Et il va considérer le panoptiste une forme de pouvoir, dont le panoptique est le modèle. Mais au fond, il y a toutes sortes de panoptismes. Et l'idée de Foucault, c'est que le panoptisme investit la société tout entière, bon, via des dispositifs électroniques. Enfin bon, j'invente pas, là, il l'a dit. Hein. Voilà. C'est ça le concept de panoptisme. On est espionné de partout. Oui, compris, en fait, l'idée c'est que à partir de la tour centrale on peut voir tous les prisonniers. Oui. En revanche, les prisonniers ils peuvent pas voir. Bien sûr que non. Ils sont observés. Ou l'idée c'est que ça finisse dans une sorte d'autocontrôle de la part des prisonniers. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il sent en permanence, il y a des formules qui le disent, hein, je ne sais plus d'ailleurs si c'est Foucault ou Bentham, il sent en permanence le regard sur lui, alors qu'il ne le voit pas. Voilà. Ouais. Et la concentration, la tour centrale, c'est la fumée, c'est l'eau des corbeaux. Je crois que c'est difficilement. On pourra difficilement. Oui. Mais toutes les architectures de surveillance, si vous voulez, Bentham n'invente pas l'architecture de surveillance, il lui donne une forme idéale, comme dit Foucault, c'est ça? Il lui donne une forme idéale. Et toutes les prisons ne sont pas panoptiques. Hein. On cite très souvent, parce que c'est là, à l'époque, c'est la grande fierté des architectes, la prison de Fresnes, qui est construite sur un plan complètement différent. Alors vous aviez raison de rappeler que Fleury-Mogis 1968, est construite sur un plan panoptique, mais que la prison de Fresnes est construite sur un autre plan qu'on appelle le Telephone Pole System. J'ai de quoi écrire ou pas ? Non, c'est pas grave. Oui ? C'est une question ou un étirement ? Oui ? Juste une remarque, une fois que l'administration pénitentiaire serait approuvé le système panoptique, une fois qu'on met des portes, la logique elle se transforme. Parce que du coup, la surveillance elle est très permanente et limitée. Même si on peut avoir le regard, le sentiment d'avoir un regard à travers l'œil tour, on ne sait jamais quand on peut être regardé. Et la question c'est de savoir si ce n'est pas plus le personnel à la fin qui est en permanence surveillé. Ah ben la question de la surveillance du personnel, je vous dis, bon je vous ai rappelé l'anecdote de Bentham, la question de la surveillance du personnel, ou d'auto-surveillance du personnel, ou, est posée. Ceci dit, Bentham avait imaginé, alors c'est Michel Perrault qui raconte ça, je crois pas que Foucault en parle, il avait imaginé, est-il diabolique cet homme-là, qu'on puisse en même temps... avoir un système alors très sophistiqué via des tuyaux, c'est l'homme des tuyaux Bentham, via des tuyaux on pouvait espionner et communiquer directement avec le surveillant, on pouvait communiquer par un système une sorte d'interphone très rudimentaire qui permettait à la fois de donner des ordres aux prisonniers et de les espionner. Alors si je vous dis ça, c'est parce que, évidemment, cette surveillance-là, elle existe aujourd'hui. Il y a dans toutes les prisons, je crois, enfin, Fleury-Mérogis, quand ça s'est construit, c'était nouveau, un système d'interphone qui marche dans les deux sens et qui permet d'écouter ce qui se passe dans la cellule. Alors, c'est juste... en fait, je ne veux rien écrire. C'est juste un petit crowbar. Voilà. Donc ça, c'est le panoptisme, les cellules, elles sont distribuées comme ça. Panopticon, et la tour centrale, évidemment, il a un grand périmètre, no man's land, autour. Et puis le système, Telephone Pole, système appliqué à Fresnes en 1900, c'est celui-là, il existe dans beaucoup de prisons américaines. Voilà. Qui ne contredit pas la logique panoptique. Parce qu'on a de toute façon les travées sont rectilignes et immédiatement surveillables depuis un point central. Voilà, on ne rompt pas avec... c'est une variante, mais ce n'est pas... ça ne contredit pas l'économie générale du panoptisme. Oui. Je pense qu'il y a des formes différentes. Je pensais au bagne, par exemple, oui. Où la caractéristique, c'est qu'on est contrôlé par le travail et les surveillants. Oui. Et le soir, les bagnards sont enfermés dans le absolument. Bâtiment sans surveillance. Absolument. Et là, il paraît que c'est la plus grande cruauté du bagne. Oui. Parce que c'est oui. Oui, mais alors, là, on a quand même... On a des belles pages dans Surveiller et punir, qui montre en fait que la naissance de la prison, c'est la fin du bagne. Alors, historiquement, ça va pas être aussi réglé que ça, mais, puisque le bagne va survivre encore, mais à partir de là, le débat est lancé. Le bagne devient la plus grande des cruautés. Et on a des textes contre le bagne qui dénoncent, oui, sa violence, sa promiscuité, etc., etc., bien sûr. Et alors, j'ai vu récemment un documentaire de quelqu'un qui a fait ça en Suisse, c'est la prison de Thornberg, je ne sais pas si vous avez entendu parler, non. Qui est une prison de haute sécurité. Il y a quelqu'un qui a fait un reportage, il s'est enfermé dans la prison, d'ailleurs, il a fait à la Goffman un peu une observation, etc. Et ce qui est frappant, c'est que c'est une prison isolée donc dans la campagne, c'est en Suisse alémanique, d'un luxe remarquable, et les prisonniers sont un par cellule, isolés avec tout le confort possible. Et avec en même temps un bâtiment de punition, un seul bâtiment de punition pour ceux qui sont avec quelques travaux. Et effectivement, là, c'est, l'autocontrôle sans... Enfin, l'isolement et l'autocontrôle sans surveillance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette tour centrale, etc. Bien sûr. Et puis, il y a quelques temps, il faudrait le revoir. Elle est présentée comme exemplaire, mais dans les... j'ai écouté le gars qui a fait le film, il disait que c'était très pénible pour les gens de vivre. Sans aucun doute. Couper du monde, coupé des autres. Oui, oui. Et pas de surveillance. Donc pas de lien avec le gardien. Oui, pas de, c'est pas de surveillance, c'est pas de lien avec une personne humaine. Il n'y a pas cette tour centrale oui. qui surveille. Quoi. Ils sont là par cellule. Mais au fond. C'est grand confort, non, c'est bien parce que c'est confortable. Quoi. C'est clean. C'est ça. C'est suisse, hein. C'est suisse. Bien sûr. Mais vous savez, vous parlez de l'encellulement individuel. Alors ça aussi, c'est une tarte à la crème du débat sur les prisons depuis l'origine. Parce que en fait, il y a un débat entièrement paradoxal. Dans la mesure où tous les initiateurs de la prison, on va dire, veulent assurer cet encellulement individuel. Un par cellule. Mais dès qu'on le produit, cet encellulement individuel, ça ne produit que des catastrophes. C'est-à-dire, en clair, des suicides en chaîne. Ça s'est produit à Fleury-Mérogis au tout début. Maintenant, de toute façon, on est tranquille, ils sont 5 ou 6 par cellule, donc le problème ne se pose plus. Mais au début, ça a existé. Un par cellule. Et ça marchait très mal du point de vue humain, parce qu'il y avait des pertes, il y avait des automutilations, il n'y avait pas que les suicides, hein, il y avait des automutilations, il y avait des choses excessivement graves qui étaient dues inévitablement au fait de cette solitude. Donc, si vous voulez, l'administration pénitentiaire, elle oscille toujours entre les deux. Hein, les balloter entre l'exigence d'isolement, parce qu'il faut bien isoler de temps en temps, et en même temps, le fait que l'isolement est absolument invivable, humainement. Oui. Alors, c'est juste une question très ponctuelle, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. Quand vous dites que, en fait, Foucault, ce qu'il fait, c'est déplacer le panoptique au panoptisme, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de coup de magie ici, disons, à peu près visible, justement dans le fait que, on le remarque maintenant, c'est devenu un peu un modèle de société, ça dépasse largement l'idée de la prison en tant que telle, oui. dans la mesure où ça a été fait par rapport à la vidéosurveillance. Et maintenant, on le voit encore plus avec tout le scandale de l'été avec Obama, qui, à ce qu'on paraît, voulait savoir tout ce qui se passait sur Internet. Je voudrais savoir si c'est une hypothèse qui va dans mon sens, ou qu'est-ce que vous pensez là-dessus. Ça, oui, enfin, Foucault a eu le temps quand même de s'exprimer, il ne connaissait pas les formes les plus extrêmes et les plus radicales de cette omnisurveillance, on peut dire. Hein. Mais l'idée elle existe bien chez Foucault. Quand il parle de disciplinarisation des sociétés, c'est bien ça qui est en jeu. Et l'idée d'un panoptisme étendu à l'échelle de la planète. Et ça, oui, il en parle. Au fond, ça, c'est un des points que je n'ai pas abordé, c'était les alternatives à la prison. Il y a un moment sur les alternatives à la prison, il dit, mais au fond, ce qu'on risque de réussir, c'est, je caricature un peu, mais de fermer les prisons et de faire en sorte que tout le reste sera de la prison. C'est-à-dire que la prison va formidablement s'étendre à tout le reste de la société. Une carcéralisation de la société. Oui. Un peu, hein, on est oui. Non. Oui, il n'y a pas d'objectif. Mais il y a une surveillance. Internet est une science généralisée, même s'il est changé par Internet, il n'est pas forcément surveillé, c'est échangé. Non, bien sûr. Mais bien dans sûr. Ce système de réseaux multiples et d'informations redondantes, un, on peut cumuler une information, comme pour le moment en cumulant les ordres généalogiques. Et sur ce cumul d'informations, le système NSA, on peut faire des contrôles par des trucs statistiques. Donc, c'est une surveillance généralisée, c'est beaucoup de renoncer. Mais où est la punition? Non, non, il n'y a pas de punition, non, on est d'accord, mais bon. Oui, non, c'est parce que les boîtes de marketing peuvent aller à votre boîte coupée, savoir qui vous contacter et faire le profil du client, et après, vous obtenez sa réponse à la surveillance du consommateur. La thèse de Bowman, globalisation, on ne change plus, la prison c'est d'être immobile. Quoi. La prison c'est vous êtes à quai. J'ai pas entendu. Le prisonnier du système de la globalisation, c'est celui qui est immobile. Oui. Il n'est pas bouché dans le dessus et il n'a pas non plus. Si on suit le schéma de Foucault, il faut mettre en scène le travail, la valeur travail, le travail comme signe d'aliénation. Si on prend son schéma. On n'est pas obligé d'appliquer le schéma. Je crois que lui-même ne l'a pas fait. C'est-à-dire que. Ça marche très bien. Pardon ? Pour les cordes aussi, Internet. Oui, oui. Moi, je suis un petit peu réservé pour tout vous dire hein, sur l'application du schéma comme ça. Je crois que si Foucault était toujours là, il étudierait, si vous voulez, la question c'est comment ça se passe, comment ça se produit, à quelle finalité ça répond, etc., etc. Plutôt que de plaquer le schéma. Mais c'est tentant. C'est toujours tentant. Oui. Oui, je voulais dire d'abord vous remercier de votre exposé, c'est vraiment bien informé et toujours juste dans les analyses que vous faites, en particulier sur la question de Bentham, sur laquelle je voudrais quand même un petit peu revenir, d'une part pour donner un point d'information, c'est-à-dire que le texte de Bentham traduit par Étienne Dumont est reparu en tout petit volume dans les maisons d'édition Mille et une nuits. C'est moi qui ai post-facé la chose, donc vous pouvez y accéder. Avec en même temps une interprétation que je donne, qui n'est pas du tout celle qui a prêté, à mon avis, à beaucoup de confusion, qui a rencontré une humeur paranoïaque gauchiste de l'époque, consistait finalement, et je pense que Foucault en a été victime, c'est-à-dire cette interprétation de type Big Brother. Alors, il me semble que Foucault n'est pas là-dedans. Et je crois qu'on commet encore un immense contresens, encore aujourd'hui, lorsqu'on interprète, je dirais, le travail de Foucault dans Surveiller et Punir ou dans ses cours, comme finalement une espèce de commentaire prolongé de 1984. Je crois que Foucault ne fait pas ça, ne tombe pas dans ce travers-là, et précisément parce qu'il passe très rapidement du modèle de prison benthamien au panoptisme, en soulignant très clairement que Bentham n'est pas le concepteur seulement d'une prison, mais qu'il a conçu un modèle valable, comme vous l'avez rappelé, pour toutes sortes d'institutions disciplinaires, au point même qu'on peut y voir un modèle de société. Et ceci n'est pas une interprétation de Foucault, c'est dans Bentham lui-même, si on veut bien y aller voir. Alors c'est ça qui, moi, me semble poser un petit peu problème dans l'analyse qu'on fait du moment Surveiller et Punir. Vous avez dit, il y a là un événement. Dans quelle mesure est-ce que il y a là surgissement, je dirais presque imprévisible, de quelque chose de tout à fait nouveau dans l'œuvre et dans le parcours de Foucault? Il y a là quand même une série de problèmes à poser. D'une part, il y a l'histoire de la folie et l'affaire du grand enfermement. Est-ce que ce travail sur la naissance de la prison s'inscrit dans cette trajectoire qui veut qu'à un certain moment de l'histoire occidentale, on ait non seulement exclu les fous, les gens différents, les marginaux, etc., mais on les a enfermés. Donc ce moment d'enfermement, est-ce qu'il se retrouve dans des centres de la prison, comme beaucoup l'ont interprété? Et bon, Foucault, c'est le théoricien d'enfermement, puis de la prison, et là, il y a une logique qui... Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que ce livre s'appelle « Surveiller et punir » et qui est sous-titré « Naissance de la prison » est en fait quelque chose qui signale quelque chose comme la fin de la prison, qui dit quasi explicitement que les disciplines sont en crise, que la surveillance se diffuse un peu partout, qu'il y a des foyers de normalisation. Et dans ce livre, on voit déjà de façon anticipée tous les développements que fera Foucault sur la gouvernementalité libérale et néolibérale, c'est-à-dire la relecture qu'il fait de Bentham dans les cours suivants, qui sont tout à fait étonnants de ce point de vue-là et qui n'évoquent plus la prison, qui, d'une certaine façon, permettent de relire Bentham tout autrement comme le technicien, le super technicien, comme il dira, le grand technologue des sociétés libérales. Bon, et pour terminer, pour ne pas être trop long, je voudrais revenir sur la phrase que vous avez citée, « La discipline, c'est l'envers de la démocratie ». Qu'est-ce que veut dire Foucault là-dedans? Est-ce que c'est l'idée très répandue à l'époque que la démocratie, le contractualisme, le libéralisme, etc., sont des tromperies idéologiques de la bourgeoisie et qu'il faut aller voir en dessous, dans les souterrains, dans les bas-fonds, c'est Nietzsche, pour voir la vérité de cette société? Je pense que, en effet, c'était quand même un peu le sens général du mouvement de contestation, du GIP et d'autres mouvements. Juste une petite parenthèse, je crois quand même qu'on est dans une époque où beaucoup de militants maoïstes ont rencontré la prison. Il n'y a pas seulement des prisonniers, je dirais, de droit commun qui sont en question, mais je crois que la rencontre de la répression policière à l'époque, qui va jusqu'à l'enfermement donc des militants gauchistes, a pu contribuer, je dirais, à ce travail, à cette prise de conscience, etc. Bon, est-ce que c'est ça qu'il entend? D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il voit aussi autre chose. Enfin, c'est une hypothèse que j'ai dit. La chose qu'il pourrait voir, c'est que chez Bentham, grand théoricien de la démocratie, je dis bien grand théoricien de la démocratie, la démocratie, c'est la transparence généralisée, c'est le panoptisme général. C'est, je crois qu'il faut le rappeler, que Bentham est un architecte. Il propose un modèle architectural de la démocratie qui consiste à faire que toutes les institutions gouvernementales devront être construites comme la prison. Mais sauf qu'au milieu, il n'y aura pas la tour centrale des inspecteurs, il y aura les fonctionnaires, les ministres, les dirigeants, et que tout autour, dans les loges, dans les cellules, elles seront transformées en loges pour que le peuple puisse venir voir les ministres, les écouter, les entendre, voir les délibérations qu'ils font, etc. Et donc, il nous propose quelque chose qui est effectivement l'envers, d'une certaine façon. La démocratie, c'est bien quelque chose qui doit être conçu dans le modèle idéal de Bentham comme une grande prison. Mais une prison dans laquelle au milieu sont en quelque sorte les ministres, ceux qui doivent défendre les intérêts du plus grand nombre. Et donc il y a tout un jeu qui me semble important. La fois dernière, on a dit que Foucault n'était pas un théoricien de la démocratie, qu'il ne pouvait pas nous aider à penser à la démocratie, qu'il ne pouvait pas aider les luttes politiques d'aujourd'hui dans la direction de la démocratie. Mais je pense qu'il nous donne quand même aussi des éléments de réflexion qu'on ne trouve pas chez d'autres penseurs aujourd'hui de la démocratie. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Non. Le seul problème, c'est qu'il y a plusieurs points. Alors commençons par le plus simple. Effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler que de rappeler les maoïstes en 1970, enfin entre 70. Alors, de fait, c'est l'origine. Alors, on sait davantage, entre autres, par ce livre que j'ai montré tout à l'heure, hein, sur le GIP, on sait davantage. Pendant tout un temps, on a dit « le GIP, c'est Foucault ». Voilà. Bon. On savait bien qu'il y avait autour d'Omnac, etc. Mais on ne savait pas exactement comment les choses s'étaient passées. Là, on sait tout. Bon, voilà, on a le dossier. Et c'est vrai que Daniel Defferre, donc le compagnon de Foucault, était à l'époque un militant maoïste engagé, et même sans doute enragé. Et que c'est lui, indiscutablement, qui a servi de lien, hein, de truchement dans cette question, du moins dans un premier temps de cette question. Parce que, de fait, les maoïstes, qui sont des fils de bonne famille, à partir du moment où ils vont être incarcérés, pour un temps pas très long en général, mais suffisant pour se rendre compte de l'ampleur du problème, vont être mis en contact avec cette institution qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et là va naître effectivement une solidarité entre les droits communs et les politiques qui n'existait pas. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement quelque chose de très, très important là pour l'histoire du mouvement, pas forcément pour Foucault. Voilà. Ça, c'était un point de détail. Sur le rapport entre folie et prison, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Enfin, c'est un peu compliqué. Oui, on peut considérer que Foucault, penseur de l'enfermement, suit un droit fil depuis l'histoire de la folie jusqu'à surveiller et punir. Sauf que, imaginons qu'un lecteur commence à découvrir Foucault à partir de Surveiller et punir et lise ensuite l'histoire de la folie. Ensuite. Il ne s'y retrouvera pas. Il est très. L'expression grand renfermement a été indiscutablement fructueuse et frappante. Mais en même temps, on peut poser une question toute bête. Quels sont les murs du grand renfermement? Quelles sont les procédures de l'asile? À ce moment-là, en 1961, au moment où Foucault écrit l'histoire de la folie, il n'y a rien. Mais rien. C'est-à-dire que c'est un problème qui n'a pas encore investi son champ de pensée. Pas du tout. Et la preuve qu'on en a, au fond, c'est ce qu'il va faire en 1973 dans le séminaire sur le pouvoir psychiatrique. Alors là, oui, il revient sur la question de la folie, mais muni de la boîte à outils, employé une métaphore qui est la sienne, qui sort de surveiller et punir. Alors, bon, je ne me trompe pas dans les dates, hein. Il est bien entendu que en 1973, il a déjà tous ces concepts. Hein. Bon, c'est pas parce que ça va paraître en 75 que... Voilà, 73, d'ailleurs, il suffit de lire, d'ouvrir simplement le séminaire sur le pouvoir psychiatrique. Les disciplines, par exemple, sont là. Hein. Le pouvoir du psychiatre. Alors là, les murs ont réinvesti, je dirais, l'institution. Mais c'est très frappant de... Bon, l'histoire de la folie, qui est un livre absolument magnifique, en même temps, c'est un livre sur quelque chose d'un peu évanescent. Ce qui est quand même curieux pour un penseur qui est étiqueté comme un penseur du pouvoir. Le pouvoir, où est-il dans l'histoire de la folie? Il est là. Il est à l'arrière-plan. Il n'est pas objet d'investigation. Et ça me paraît assez frappant. Alors, le dernier problème, le problème de la transparence. Oui, alors, il y a des textes de Foucault qui sont très intéressants, où justement il s'empare de cette idée, de ce concept de transparence, et où il oppose, c'est très intéressant évidemment pour ce débat-là, Rousseau et Bentham. Deux conceptions de la transparence. Hein, Rousseau, la transparence politique, on peut dire. Et Bentham, peut-être aussi d'ailleurs la transparence politique, comme vous le disiez, mais à travers des outils qui sont eux-mêmes des outils de coercition. Ce qui évidemment pose problème. Donc la phrase « l'envers de la démocratie », c'est plutôt la face cachée ou la face obscure de la démocratie. Les disciplines sont la face obscure de la démocratie. Il y a cette phrase de Foucault, on la connaît forcément, puisqu'elle elle se trouve, même si on n'a pas lu Surveiller et punir, après tout, elle se trouve sur la quatrième de couverture. Ah, attendez, il faut que je la retrouve. Évidemment, il suffit de chercher pour ne pas trouver. À moins que je me trompe et que ce ne soit pas dans la quatrième de couverture. Ah si. Le XVIIIe siècle a sans doute inventé les libertés, mais il leur a donné un sous-sol profond et solide, la société disciplinaire dont nous relevons toujours. Et c'est ça la vraie position de Foucault. Voilà. Et puis en plus, il ne faut pas oublier l'aspect toujours tactique chez Foucault. C'est-à-dire que même s'il sait tout ça, même s'il a envie d'impulser tout ça, dans la partie dont je n'ai pas parlé, la partie d'aujourd'hui, dans les derniers textes de 84, il dit qu'il faut refaire du détenu un sujet de droit. Qu'est-ce que c'est que cette exigence de refaire du détenu un sujet de droit, sinon une exigence démocratique quand même, au sens le plus traditionnel Bon, donc ce combat pour Foucault, pardon. C'est où ce sujet de droit? Je vous donnerai la référence. Hein. Oui. C'est dans les textes tardifs, on va dire entre 82 et 84, après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, qui il veut pas que ce soit dit, mais indiscutablement, ça a infléchi. D'abord parce qu'il a des relations privilégiées avec Robert Badinter, qu'ils envisageaient un travail ensemble qui n'a pas été poursuivi, mais qui n'a été, à cause de la mort de Foucault, mais qui a été commencé. Enfin bon. Et Badinter lui-même qui va produire ce livre sur, qui est l'issue d'un séminaire, hein, sur la prison républicaine. Enfin vous voyez, bon, c'est quand même pas. C'est pas ou l'un ou l'autre. Et Foucault le sait très bien, mais Foucault c'est un tacticien. Jamais oublier ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, pour l'instant, c'est ça l'idée importante qu'il faut soutenir. Et il est tout à fait capable de passer le reste à la trappe. Peut-être provisoirement. Voilà. Donc les disciplines impliquent que finalement, pendant un temps, on mette un petit peu le bémol sur les revendications démocratiques. Enfin bon, on ne trouvera pas beaucoup de... Enfin si, il y a des textes de Foucault quand même très intéressants. Le texte qui s'appelle... Bon, évidemment, tout ça est dans les dits écrits... Face au gouvernement, les droits de l'homme, texte un peu contourné, où Foucault dit son attachement, malgré tout, aux droits de l'homme. Oui. Vous avez parlé des comités d'action de prisonniers. Oui. J'ai du mal à voir quelle forme ça a pris, si ça a existé. Si ça a existé. Ça veut dire, comment ils se sont formés concrètement en prison, et est-ce que finalement, il y a des membres du GIP pour continuer à avoir des liens avec eux, ou est-ce que. Bien sûr. Vraiment, on laisse la parole. D'accord. Alors, d'abord, le GIP, qui c'est? Hein, alors, on a cité que deux noms, hein, Foucault et Daniel Defferre. Cheville ouvrière, hein, important. Mais il y a également Domenac. Il y a des gens qui sont peut-être moins connus. Il y a le couple Rancière, les deux, hein, Jacques et Daniel. Il y a François Regnault. Il y a toute une équipe. Hein, ils sont une dizaine, une douzaine, relativement importante. Donc ils se réunissent. Ils ne sont pas en prison, eux. Hein. Ils se réunissent sur ce problème des prisons. Et leur première idée, c'est qu'il va falloir faire un questionnaire. C'est ça, enquête dans votre prison, le premier. Hein. Premier travail du GIP, un questionnaire. Et ils vont le distribuer devant les prisons, comment ça rentre en prison, question tout à fait justifiée, hein, même si vous apparaissez un petit peu comme le saint Thomas de cette salle, question tout à fait justifiée, comment ça entre en prison, comment le questionnaire en question va rentrer en prison, de manière très simple, parler parloir, voilà, comme tout ce qui rentre en prison rentre, parler parloir. C'est déjà vrai. Bon, c'est-à-dire que Foucault, alors il va être arrêté à plusieurs reprises, les gens du GIP vont être arrêtés, ils se mettent devant les prisons et ils distribuent dans la file d'attente pour les parloirs, aux familles de prisonniers, ils distribuent ce questionnaire qui va donc rentrer en prison et qui va être rendu ensuite et dépouillé. Il y a un vrai travail d'enquêteur. Hein, de terrain qui va être fait par le groupe lui-même, voilà. Et on finit par savoir des tonnes de choses, mais voyez le spectacle du collectif 71. Hein. À l'époque, c'était un travail d'identification ou... Pardon ? À l'époque, c'était fait. C'est-à-dire, ce questionnaire, c'était un travail d'identification ou c'est joué autre chose pour les acteurs ? Non. C'est, je dirais, modestement... un travail d'enquête qui vise à faire connaître... on ignore la prison, on veut l'ignorer, eh bien nous, on va vous dire qu'est-ce que c'est que les prisons et comment on va... comment ça fonctionne, les prisons. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir dans les prisons? Les prisons sont intolérables. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Ça se voulait une enquête sur le pouvoir. Pardon? Ça se voulait une enquête sur le pouvoir. Même pas... Je dirais pas encore... Enfin, oui, sur les modalités du pouvoir, on va dire. Oui. Oui. Mais vous savez, il y a cette... Le GIP avait, à cette époque, produit une affiche et un slogan qu'on a vu un peu épisodiquement sur les murs de Paris. « Prison, on veut entrer et voir ». Le GIP retrouve là, je reviens à l'idée de transparence, le GIP retrouve, alors d'une toute autre manière, parce que c'est tout un débat au XIXe siècle, qui est le débat des philanthropes. Vous savez qu'il existe des sociétés, des prisons, avec alors ce sont des sociétés qui ont été instaurées pour contrôler les prisons. Ça, c'est la démocratie, se disant, on ne va quand même pas laisser une case noire, comme dit Foucault, dans notre société. Donc, on va organiser des sociétés. Qui on trouve dans ces sociétés? On trouve les notables locaux, en général, qui vont, une fois par an, inspecter la prison. Vous imaginez bien qu'ils n'y voient rien. Bon, rien de répréhensible. Et donc, ces sociétés de prison... à la fois sous l'impulsion des philanthropes, à la fois sont quelque chose de... ça émane d'une bonne volonté démocratique sans aucun doute, et en même temps d'une grande naïveté, qui est de croire que la prison, qui a plus d'un tour dans son sac, enfin les autorités pénitentiaires, va leur montrer ce qu'il y a de plus scandaleux dans le fonctionnement de la prison, le fonctionnement quotidien. Donc... finalement, d'une certaine façon, le GIP reprend ça, sauf que lui n'est pas naïf. Et que pour savoir ce qui se passe, il faut enquêter auprès des prisonniers. Voilà. C'est tout. Oui. Pour suivre sur ce point, dans l'idée d'enquête, là, il y a manifestement l'idée aussi maoïste d'enquête. Bien sûr. Comme instrument de politisation. Et alors, comment comprendre précisément du coup le type d'articulation, du savoir et de la politisation qui est solidaire par rapport, d'une part, le type d'articulation, savoir-politisation qui est lié à cette idée d'enquête, et ce modèle de l'intellectuel spécifique qui est un peu différent, oui, concept par généalogie. Oui. C'est clair que dans l'esprit de Foucault, cet ouvrage est lié très directement à ses luttes et à cette expérience, comme vous l'avez dit, et en même temps, il procède de toute autre chose que d'une enquête. Est-ce que... pour surveiller et punir, oui. Alors d'abord, le projet de l'enquête, parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de Foucault, puis il y a des choses qui en relèvent complètement, y compris dans le GIP. Donc on sait aujourd'hui, par exemple, le texte qui ouvre les tribunaux, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, la médecine du travail, les universités, etc., etc., sont intolérables. Bon, ce texte-là, c'est un texte de Foucault. Il est signé, le groupe d'information est présent. C'est un texte de Foucault. On le saura après. Et dans les obsessions de Foucault, dans la lutte, il a la volonté... Alors le contre-modèle absolu, merci de me poser cette question parce que c'est un point très intéressant. Le contre-modèle absolu, c'est Sartre. Et il ne règle pas de compte avec Sartre, mais il pense que... Et en particulier le tribunal Russell. Il dit... Alors ça, c'est quelque chose de très réfléchi chez Foucault. Il dit, ce n'est pas comme ça que l'intellectuel doit intervenir dans les luttes de son temps. Ce n'est pas du haut d'une estrade, même pour dénoncer des choses en effet intolérables. Il faut produire autre chose. Et là, à qui se réfère-t-il? Comme beaucoup plus souvent qu'il ne semble, à Marx. L'idée d'enquête, Foucault la trouve chez Marx. Les enquêtes ouvrières qui ont existé au XIXe siècle. Et il reprend ce modèle qu'il va mobiliser contre le tribunal Russell et contre des interventions un peu hautaines, je le dis sans valeur péjorative, un peu hautaines à la manière de Sartre ou de Zola. Et c'est ça l'intellectuel spécifique. Alors, intellectuel spécifique, c'est très compliqué. On pourrait en parler pendant une heure. Très compliqué, en fait. Ce qui met derrière... Parce qu'il met à la fois lui, intellectuel de haut niveau, professeur au Collège de France, ayant une certaine manière d'aborder la politique, et il met surtout d'autres types d'intellectuels qui ne sont pas des intellectuels de premier plan, qui sont même, on pourrait dire, là encore sans valeur péjorative, des intellectuels de troisième zone. Il y a une affaire très très importante à cette époque-là, qui est le témoignage d'une psychiatre qui s'appelle Madame Rose, qui travaille à Clairvaux, si mes souvenirs sont bons. Et dans les dits écrits, Daniel Defer, qui a fait les chapeaux en général, dit « Madame Rose a été pour Michel Foucault le type même de l'intellectuel spécifique ». Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui a... Elle fait son boulot de psychiatre, et puis tout d'un coup, elle craque, elle alerte le public à travers une lettre, à travers des articles, à travers des interviews, et indiscutablement, elle fait remuer les choses. Donc voilà, c'est ça l'intellectuel spécifique. Donc il y a plusieurs catégories d'intellectuels spécifiques. Dans les textes sur l'intellectuel spécifique, on trouve la référence à Oppenheimer, on trouve des choses très très différentes. C'est-à-dire le grand intellectuel qui se mêle des problèmes de son temps, mais pas à la manière de Sartre. Et puis l'intellectuel, si vous voulez, de base, qui est la cheville ouvrière, qui à son niveau et dans ses compétences fait savoir qu'il se passe quelque chose qui peut intéresser le fonctionnement de la démocratie. Oui. On a par exemple dans le texte La production de l'espace de Lefebvre, l'idée que la transparence c'est la caractéristique principale de l'idéologie démocratique. Et là c'est intéressant, si on pense par exemple à toute l'architecture politique de l'Allemagne après le 1989. On a toute l'idéologie de la transparence dans l'architecture politique. Donc, je pense par exemple à les palafous gouvernement allemand aujourd'hui, c'est construit avec sa idéologie. Ok, là c'est la remarque. La question c'est une petite question. La question c'est si dans le texte de Foucault, Foucault pose des relations explicites entre la question de prison et la question du pouvoir ou la question de classe dans la direction des Lacan, je vous dis par exemple. Donc je ne sais pas si c'est clair. Non, je ne sais pas bien. C'est parce que je n'ai pas bien entendu en fait. Oui. Une explicitation de la relation entre la question du prison et la question de classe. Pauvre. Oui, oui, oui. Oui, cette question l'intéresse. Mais c'est un peu pour lui une évidence. Donc ceux qui vont en prison, mais ça on trouve ça bien dans les enquêtes du GIP, hein, qui sont ceux qui vont en prison. Voilà. C'est pas d'abord l'objet de sa démonstration, puisque l'objet de sa démonstration c'est davantage qu'est-ce qu'une prison, comment ça fonctionne, quel est le pouvoir qui y apparaît, comment il y apparaît, mais qui sont ceux qui vont en prison, qui est... Très bonne question. En même temps, ça c'est ciblé dans les enquêtes du GIP, et je ne crois pas connaître de texte ou de Foucault sur cette question, mais qui lui apparaît un peu comme une évidence. C'est effectivement un instrument de classe, mais il ne le dira jamais comme ça. Il ne le dit pas comme ça. Et En revanche, il cible bien, je crois que tout, on le disait tout à l'heure, enfin je disais à Christian Laval, dans, à la suite de son intervention, tout est polémique chez Foucault, je crois tout le temps, tout le temps. C'est ce qui fait l'intérêt de, ses, de sa démarche et en même temps, qui peut produire un certain agacement. Et ici, par exemple, il a toujours eu cette volonté de montrer que le lumpenprolétariat des prisons, alors il n'aime pas du tout cette expression qui vient de la tradition marxiste, comme vous le savez, le lumpenprolétariat, mais on a des textes de Marx là. Et alors ça, c'est le Marx qui passe pas pour Foucault. Sur le lumpenprolétariat, allié objectif de la bourgeoisie, et qui va servir de réservoir à briseurs de grève, etc., etc., qui va donc casser le mouvement de la classe ouvrière. Alors ça, c'est ce que n'aime pas du tout Foucault, et justement, il va montrer autre chose. Il va montrer que ce peuple des prisons est exploité et qu'il ne faut pas le voir d'abord sous l'angle du complice objectif de la bourgeoisie. Voilà. Ce qui se disait beaucoup, hein, sans doute, antérieurement à 71. Quel statut, enfin, si vous aviez un statut à donner au cours qui avait publié La Société Primitive. Alors, je ne l'ai même pas encore lu, on sait un peu ce qu'il y a dedans, mais quel statut? Oui, enfin, est-ce que vous pensez que ça peut permettre de penser quelque chose du rapport qui est absent de Foucault à Marx dans Sur les punir? Il n'est pas absent. C'est fou, surveiller et punir est le plus marxiste des textes de Foucault, déjà. Et là où il se sert le plus de Marx, c'est justement dans le chapitre des disciplines, la discipline d'atelier. Et là, il c'est clair dans surveiller et punir, mais il l'a dit dans les textes d'accompagnement autour de surveiller et punir, il a dit qu'il avait beaucoup lu les textes de Marx, et beaucoup intéressé, parce que finalement, cette dimension de discipline, elle est dans les textes de Marx. Hein. Pour que le travail fonctionne, pour que le travail soit productif, il faut que le travail soit fliqué, quoi. Bon, je vais dire les choses brutalement. Hein. Mais bon, c'est bien cette idée-là. Mais vous savez, il ne faut jamais oublier que cette phrase de Foucault m'a toujours beaucoup frappé. Les philosophes que j'aime, je les utilise, je ne les cite pas. Ça marche pour Marx, ça marche pour Nietzsche. J'aime bien Châtillon. Pardon ? J'aime bien Châtillon. Qui aime bien Châtillon ? Et il ne les corrige pas, il les utilise. Hein. Il les utilise vraiment. Il les utilise d'une manière, mais très, très libre, très souple. Il se les approprie. Quoi. Bon, c'est après tout ce qu'on attend d'une lecture intelligente, il me semble. Non, oui. Peut-être deux remarques là-dessus, sur les choses qui viennent d'être dites. Sur le rapport entre le lumpenprolétariat et le mouvement ouvrier, il a montré non seulement que le lumpenprolétariat n'était pas au service de la bourgeoisie, mais ce qu'il a voulu aussi montrer, me semble-t-il, c'est que les stratégies de moralisation de la bourgeoisie avaient été responsables de la division entre le lumpenprolétariat et la classe ouvrière. Et que, précisément, la classe ouvrière, c'est plutôt elle qui a intégré les modes de subjectivation et les formes de moralisation qui ont été proposées par la bourgeoisie, alors même que le lumpenprolétariat, lui, est plutôt valorisé par Foucault dans la mesure où il échappe à ces formes de moralisation-là. Et ensuite, peut-être deuxième remarque sur la société punitive, le rapport à surveiller et punir. Il y a Stéphane Legrand qui a écrit donc son livre « Les normes chez Foucault » où en fait il évoque le rapport de Marx à Foucault essentiellement à partir de la société punitive, pour montrer en fait que le cadre marxiste est absolument essentiel en fait pour comprendre la démonstration de Foucault dans la société punitive, et qu'ensuite, même si Foucault, il y a des, comme vous l'avez très bien dit, hein, il y a le dialogue avec Marx et les références à Marx explicites ou implicites sont présentes dans Surveiller et punir. Pour autant, le cadre marxiste comme fondement de la démonstration de surveiller et punir disparaît davantage dans la, le cadre marxiste pardon, comme fondement de l'explication du rapport entre capitalisme et pouvoir dans la société punitive disparaît ensuite dans surveiller et punir. Et ce qu'essaye de montrer Legrand, c'est que cette forme d'autonomisation en réalité des relations de pouvoir dans surveiller et punir est déficiente justement pour justifier le raisonnement de Foucault, précisément parce qu'on n'a plus ce fondement marxiste-là. Donc, selon Legrand, on ne peut pas se passer justement de ce fondement marxiste pour comprendre la démonstration de Foucault, et à partir du moment où elle est occultée, elle rend délicate les généralisations que fait Foucault du modèle carcéral sur l'ensemble de la société. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein, c'est pas une question. Donc, oui, je sais pas si. Je ne sais pas répondre. Sur la question du rapport à Marx, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Parce qu'il ne donne pas toujours, en effet, les clés. Il les a données parfois, un peu après, pour comprendre comment lui approche un problème. Il n'a pas toujours donné les... C'est très net quand même, dans « Surveiller et punir », quand même un ouvrage savant, il n'y a pas de notes, ou très peu, ou des notes qui apparaissent quelquefois, j'allais dire, farfelues. Par exemple, la référence à l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. J'ai une hypothèse, mais je ne suis pas très sûr d'avoir compris où était le rapport. En dehors d'un rapport de copinage évident. Mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Deleuze donne certaines clés dans son ouvrage sur Foucault en disant oui. Foucault cherche les pouvoirs, l'université des pouvoirs, les topographies des pouvoirs, il raisonne par pli. Quand il peut plier Marx à un moment donné, il peut déplier à un moment donné. Oui. Je suis pas... Comment dire ? Je suis pas deleuzien du tout sur ce terrain. Je trouve souvent admirable, mais... et habile. Mais je suis pas très sûr... Que son texte soit un très bel hommage à Foucault, ça j'en suis absolument convaincu... Mais je ne suis pas très sûr qu'il nous aide à comprendre Foucault. Je ne crois pas du tout. Et bon, je pense qu'il tire pas mal la couverture à lui. Bon, c'est une bonne guerre. Mais qu'est-ce que vous critiquez à la figure de Pline ? Pardon ? Qu'est-ce que vous opposez à la figure de Pline ? C'est une partie de la... Mais on ne peut rien opposer à la figure du pli. Je veux dire que le pli est une liberté. Je veux dire, est-ce que c'est un concept qui fait penser quelque chose ? On peut dire oui. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui et des gens que j'estime et qui. Bon, simplement, je dis moi j'ai du mal. Voilà, j'ai le droit. Hein. Mais de toute façon, on est confronté à toutes ces questions-là sur quelque chose, je dirais, presque de structurel. Parce que surveiller, c'est quoi ? C'est classer, classer, définir et voir. Donc, oui. Dès qu'on classe et qu'on définit, ben, il faut un principe de classement. Donc, on tombe là dans les disciplines. Ouais. On voit bien à l'heure actuelle le débat, ce n'est pas tellement les classes sociales. Là, toute la question, on entend même aujourd'hui du médical. Oui. Ça ne relève pas de la peine, ça n'enlève pas de la prison. Dans les prisons, ce sont des gens qui relèvent d'un autre registre, qui est le registre du médical. Donc, on est confronté, j'ai l'impression, à une question, c'est que, pour reprendre un peu ce que disait aussi Christian, c'est-à-dire que dans des sociétés où le visible est dans le contact, où on peut voir hein, le système du contrôle, autrement dit, c'est-à-dire à la fois on voit et on se sent vu, autrement dit, par les autres, hein, avec tous les systèmes familiaux, de voisinage, enfin, bon, la Gemeinschaft, quoi, en quelque sorte. Et quand on est dans une société où c'est le principe de l'autocontrainte, et quand l'autocontrainte ne fonctionne pas, que faire hein, je veux dire, à ce moment-là, comment rendre visible ce qui est invisible? On est plutôt dans des formes d'invisibilité, on est comment repérer des comportements. Alors effectivement, on est là dans probablement maintenant une évolution de la pensée, hein, je dirais, de comment définir ce qui relève du pénal, ce qui relève du carcéral, ce qui relève d'un état de comportement, est-ce qu'il faut psychiatriser, médicaliser les gens, est-ce qu'il faut... Vous voyez, on est confronté, je pense, à des questions qui dépassent une simple, une simple logique architecturale. C'est-à-dire, c'est une question fondamentale de notre société. Comment instaurer visible? Comment instaurer visible? Comment surveiller? Qu'est-ce que c'est que surveiller? Alors, ça, c'est la partie de l'exposé que j'ai pas eu le temps de faire. C'est les dernières réflexions, au fond, de Foucault sur cette question. Avec, en arrière-plan, je l'ai dit, hein, l'élection de Mitterrand. Et donc, le fait que, ça y est, on ne pouvait plus se comporter en intellectuel d'opposition. Et que, même si la majorité qui a été portée au pouvoir, il ne l'a... soutient pas véritablement, il se rend bien compte tout de même que quelque chose a changé et que des choses sont possibles. Hein. Foucault, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout un anti-réformiste de ce côté-là. Et à ce moment-là, il a joué le jeu d'une certaine carte de la transparence, sans doute, hein, et de la collaboration, au sens évidemment le plus noble. Hein. Parce que oui, il se considère comme un spécialiste de la question, qu'il est, d'une certaine façon, et qu'en même temps, il dit il faut se mettre au travail, il faut retrousser ses manches, et voilà. Mais oui, le problème que vous posiez, alors, donc, dans cette partie que je n'ai pas abordée, le grand souci, au fond, de Foucault, c'est le brouillage des cartes. C'est-à-dire qu'il dit, aujourd'hui, la peine est complètement illisible. Complètement. Pourquoi ? Parce que tout le monde juge, et que le juge qui, lui, devrait juger, se prend pour un psychologue, il se prend pour un psychothérapeute, il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Hein. Et, Foucault parle d'une dérive anthropologique qu'il estime gravissime de la justice elle-même. Hein, c'est pour toutes ces raisons que... Alors ça ne dit pas quoi faire du coupable. Mais ceci dit... on voit où vont ses préférences. C'est-à-dire qu'il dit il faut donner une sanction n'est pas indigne, c'est même ce qu'on doit faire. Simplement, il ne faut pas que la sanction s'habille en quelque sorte d'alibi psychologique ou psychiatrique, etc. Ça, c'est quelque chose qui lui fait horreur. C'est la dérive, hein, pour lui. Mais si vous voulez, c'est peut-être le Foucault qu'on a le plus de mal à imaginer. Mais je vais quand même lire cette phrase. Je crois que le droit pénal, déclaration donc de 1984, un tout petit peu avant sa mort. Je crois que le droit pénal fait partie du jeu social dans une société comme la nôtre, et qu'il n'y a pas à le masquer. Cela veut dire que les individus qui font partie de cette société ont à se reconnaître comme sujets de droit qui, en tant que tels, sont susceptibles d'être punis et châtiés. S'ils enfreignent telle ou telle règle, il n'y a, à cela je crois, rien de scandaleux. »